Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été présentées dans divers pays. L'agence de presse TASS, le journal Moskovsky Komsomolets, les pages d'internet de l'Institut du Kim-Il-Sungisme Kim Jong-unisme et de l'Association d'études du Kim-Il-Sungisme Kim Jong-unisme de Rostov de Russie, l'agence de presse Xinhua, les journaux hongkongais Dagombao et Wenxiubao, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong et le réseau Planète de Chine, l'agence de presse japonaise Kyodo, l'UPI des États-Unis, les journaux argentins Clarín et La Nation ont présenté que le maréchal Kim Jong-un a inspecté le bataillon d'opérations spéciales directement rattaché à l'unité 525 de l'armée populaire de Corée. Le homepage d'internet de l'association d'amitié Baekdusan Tchèque-Corée a fait part de son inspection de la savonnerie de Ryongsan nouvellement construite. Les médias ont inséré des photos du maréchal Kim Jong-un.